الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور عليكم السلام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On a parlé toujours, on continue toujours sur l'attribut du kalam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le dogme de Ahl-Sunnah wal-Jama'a concernant la parole d'Allah, qu'Allah, il parle d'une vraie parole quand il veut, comme il veut, de ce qu'il veut, avec des lettres et des voix qui ne ressemblent pas à celles de ses créatures. Allah yatakallamu bi kalamin haqiqi mata sha wa kayfa sha wa bima sha bi harfin wa sawtin la yushbihu aswat al makhluqin. Le dogme de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et chaque mot de cette phrase, il a une signification. Et chaque mot, c'est une flèche contre une secte égarée. Je reviens sur les preuves. Allah yatakallamu bi kalamin haqiqi. Allah, il parle d'une parole réelle. La preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate numéro 4, verset 164, et Allah a réellement parlé à Moussa alayhi salam. Et Allah a réellement parlé à Moussa. Wa kallama Allah Moussa taklima. Deuxièmement, il parle quand il veut. Quand il veut, ça veut dire que c'est un attribut de l'acte, c'est pas fi'liya. Et quand la preuve, dans Sourate Al-A'raf, verset 143, et quand Moussa fut venu à notre lieu de rencontre, entre parenthèses, miqat, et que son Seigneur lui eut parlé. Et quand Moussa fut venu à notre lieu de rencontre, et que son Seigneur lui eut parlé. C'est-à-dire, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. C'est-à-dire, quand il veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il veut. Comme il veut, c'est-à-dire soit un appel, soit qawl, ou nida. Soit un appel, ou soit qu'il parle alors qu'il est proche de ses créatures, ou dit qawl, ou nida. Allah subhanahu wa ta'ala dit du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. La sourate 19, le verset 52. Nous l'appelâmes. Dans un verset, il dit nous l'appelâmes. Dans un verset, il dit nous dîmes, tout simplement. C'est-à-dire dans un verset, il dit. Dans un autre verset, il appelle, c'est-à-dire comme il veut, lui, subhanahu wa ta'ala. Imma nida, ou qawl, ou najwa. C'est-à-dire comme il veut, lui, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas décrire ce comment. De ce qu'il veut. C'est-à-dire, la phrase, on la décortique. De ce qu'il veut. Et que la parole de ton Seigneur s'accomplisse en toute vérité et en toute justice. Soit une information, soit une demande, soit un ordre. D'accord? Donc, de ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des lettres. Allah, il parle avec des lettres. C'est-à-dire que les lettres qu'on lit dans le Coran, Allah, il a parlé avec, c'est-à-dire Allah, il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire, ces lettres-là, c'est la parole d'Allah. Rappelle-leur le moment où Allah dira Ô Jésus, ô Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Allah, c'est-à-dire, il parle là. Il a dit cette phrase le jour du jugement. Quand il va amener Isa, il va lui dire, il va lui parler, il va dire cette phrase, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. » C'est-à-dire cette phrase, Allah subhanahu wa ta'ala va le dire. Il dira « Gloire et pureté à toi », c'est-à-dire que Isa, il va l'entendre, c'est-à-dire que cette parole, elle est entendue. « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. » وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. سورة 5 verset 116. Et des voix. Allah il parle d'une voix. Ah, la preuve. La preuve, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Sa'id al-Khudri. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit Allah le très haut dira Ô Adam, Allah il va appeler Adam, Ô Adam. Et Adam, il va répondre, « Nous voici à ton service, implorant ton aide et heureux, c'est-à-dire heureux de t'entendre. » Labbaik, c'est-à-dire, comme dans le pèlerinage, « Labbaik Allahumma labbaik », ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein, « Me voici à ton service ». Ça rentre dans l'adoration, ça rentre dans le tawhid. « Labbaik Allahumma labbaik », c'est-à-dire, « Me voici à ton service ». Wasa'adik, ça vient de quoi? Sa'ada. Et c'est quoi sa'ada? C'est le bonheur. Hein? C'est le bonheur. C'est-à-dire heureux. Heureux de te rendre service, heureux de t'entendre. Et Allah va appeler d'une voix. Fayunadi bisaout. En langue arabe, saout, c'est quoi? C'est la voix. Saout. On dit saout. D'accord? Rajulun sayyid, c'est-à-dire qu'il a une autre voix. Saut, fayunadi bisaut, d'une voix. Allah t'ordonne d'envoyer une partie de ses descendants en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va appeler d'une voix, et j'ai mis exprès deux points, Allah t'ordonne d'envoyer une partie de tes descendants en enfer. D'accord? C'est-à-dire, fayunadi bisaut, inna Allah ya'amuruka. أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو بعثا من النار. C'est-à-dire d'une voix Allah va dire Allah t'ordonne. Il n'y a pas dit je t'ordonne. Il dit Allah t'ordonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole elle est lourde. Ça veut dire que cette parole elle vient d'Allah. Il y a une grande différence entre quand le roi il dit je vous ordonne d'aller combattre ou faire ça ou me rendre service, ou quand il dit le roi il vous demande de faire ça, c'est le roi qui vous demande, alors que lui il est roi. Et quand il dit je, ça n'a pas beaucoup d'effet, mais quand il dit le roi il vous demande, les serviteurs ils vont trembler. Mais là c'est pareil, Allah t'ordonne, inna Allah ya'amuruk, il parle de lui, il dit inna Allah ya'amuruk, ça a plus d'effet, t'ordonne d'envoyer une partie de tes descendants en enfer. C'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari sous le numéro 7483 et Muslim sous le numéro 222. Et ceci le jour du jugement. Là j'ai marqué une référence, je sais pas, ouais. 57. Ouais, ça c'est la traduction. Regarde, Dieu dit au Adam, et Adam de dire me voici tout à ton service. Adam entendra alors une voix qui lui dira Dieu t'ordonne d'envoyer une partie de tes descendants en enfer. C'est pas la bonne traduction ça. C'est pour ça que je dis, j'ai peur toujours pour les jeunes aussi quand ils lisent comme ça. Alors ça c'est pas vraiment la traduction qui est la plus sûre, la plus juste. Parce que Allah, dans ce hadith, fayunadi bisaut, Allah il va appeler d'une voix. Et là, regarde ce qu'il dit, Adam entendra alors une voix. Alors que là, il n'y a pas Adam yasma'u sawtan. Donc, c'est pour ça il faut se méfier, il faut toujours se référer à quelqu'un qui connaît les traductions, il connaît les choses. Parce que ça n'a rien à voir avec la version en arabe pure, rapportée par l'imam al-Bukhari sous le numéro 7483. Là, il a écrit, Adam entendra alors une voix qui lui dira, et dans la vraie version, c'est ce que j'ai marqué là, Allah va appeler d'une voix. Et donc, même dans l'explication, Donc le dogme qu'on va extraire de ce hadith, quand la traduction, il n'est pas pareil que l'origine, que le hadith en arabe, ben, même le dogme, il n'est pas... Tu vois ? C'est-à-dire à partir de ce hadith, on déduit qu'Allah, il va appeler, et qu'il va appeler d'une voix. Et là, il n'y a pas d'appel, et il n'y a que... Adam entendra alors une voix indéfinie, une voix, ça peut être celle de Jibril finalement, hein. C'est pas, il entend la voix d'Allah, ça y est, une voix, c'est une voix indéfinie, c'est pas la voix définie de son Seigneur, de son Créateur. Donc vous avez compris, vous avez touché le centre quand on traduit. C'est voulu, non, je crois pas, Allah A'lam, c'est pas voulu, mais c'est pas... Henri Laus, de toute façon, c'est l'un des plus forts, c'est-à-dire connaisseur de Ibn Taymiyyah, de ses fatwa. Mais je ne sais pas si c'est voulu, mais non, là, Alam, je ne peux pas dire. Je dis seulement qu'il faut se méfier des traductions. C'est-à-dire, ça peut dévier du sens original. Oui, ça peut. Original, ouais. D'accord. فينادي أي الله فالفاعل هو الله عز وجل فينادي صديق الله إذا أقل دينه فينادي بصوت إذن إذا يدير إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلى دي الله تغدون دون فيي إن بارتي دو تي ديسوندون أن أنفير إل نا با دي جو تغدون إلى دي الله تغدون إي سوسي فا أفيك لا فيرتي et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Il n'a pas dit je t'ordonne, il a dit Allah t'ordonne. Parlons de lui subhanahu wa ta'ala. Comme un roi qui dit à ses soldats, le roi vous demande telle chose. C'est clair. Il dit pas je vous demande, mais le roi, quand ça vient du roi, c'est... Donc, ba'atan, c'est-à-dire mab'ouz, une partie qui va être envoyée en enfer. Il y a un autre hadith qui continue, qui complète ce hadith-là, qui l'explique. C'est que Adam il va dire oh mon Seigneur, c'est quoi Ba'at de l'enfer, parce qu'Allah il va dire Ba'atan minan nar. Alors Adam il va dire c'est quoi Ba'at? Ba'at minan nar, c'est quoi? Et là Allah subhanahu wa ta'ala il va dire parmi mille 999 en enfer et un seul au paradis. Ça veut dire que les gens du paradis seront moins nombreux que les gens de l'enfer. Dans tout le Coran, la majorité en général, elle est maudite. Wa inna kathira minan nas la fasiqun. Hein? Wa in tuta akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu obéis la majorité des gens sur cette terre, ils vont t'égarer de la voie d'Allah. La majorité des gens sont des pervers. Comme ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, la minorité, elle est en général, elle est. C'est-à-dire, Allah dit du bien sur elle, et seulement une minorité qui suit la bonne voie. Hein, wal asr inna al-insan la fi khusr. L'être humain est dans la perdition, sauf illa alladhina aman, sauf ceux qui ont cru. Et on accepte la minorité de la majorité. Hein, wa laqad zara'na li jahannam kathiran min al-jinn wal ins. On va mettre en enfer beaucoup de djinns et beaucoup des humains. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. C'est toujours la majorité, les maudites et la minorité. Inna Ibrahim kana umma. Un homme. Il voit une communauté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme, il vaut beaucoup. Et des millions, ils ne valent rien du tout. Ça, ce hadith, il vous dit, regarde, il faut faire attention, il faut faire beaucoup d'adoration, il faut apprendre, connaître sa religion, parce que parmi mille, un au paradis, et 999 en enfer. Et ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. C'est toujours, l'islam c'est toujours, depuis qu'Allah il a créé Adam, c'est toujours des situations d'hommes. Sur ce dogme-là, qui l'a protégé? Les savants ils ont dit qu'Allah il a protégé le dogme du kalam d'Allah, que le Coran et la parole d'Allah par l'imam Ahmed. C'est un homme qui a tenu tête devant des millions et des millions d'innovateurs. Hein? Il a été fouetté, il a été mis en résidence surveillée, interdit de sortir la patois, on lui a interdit de faire des cours, mais c'est, il a tenu tête. À l'époque de Ma'moun, à l'époque des Abbasides, c'était les Mu'tazilites, Ibn Abi Du'ab et toute la clique des Mu'tazilites, ils avaient accès au pouvoir de Ma'moun de l'époque des Abbasides. Mais Ma'moun, malgré tout ça, c'était un homme. C'est-à-dire qu'il ne s'allie pas avec les koufars pour combattre les musulmans. C'est une question au sein de la communauté musulmane. Hein? C'est des hommes. Bien qu'il ait fait ce qu'il ait fait, rafar Allahu lah. Mais après, alhamdulillah, à l'époque de Mu'tasim, les Ahl Sunnah, ils ont gagné, ils ont eu le pouvoir, surtout les innovateurs, tels les Mu'tazilites, les Jahmites, les Harorites, les Khawarij et les sectes égarées. Ça a été toujours une situation d'homme. Et donc, Allah, il n'y a personne là. J'étais taillé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une parole réelle quand il veut, comme il veut, de ce qu'il veut, avec des lettres et des voix. Et des voix. Et une voix, bien sûr, qui ne ressemble pas à la voix des créatures. Il y a un autre hadith rapporté par l'imam Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان il n'est personne parmi vous à qui Allah ne parlera un jour sans intermédiaire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va parler directement sans intermédiaire avec les gens. Bilal, voix qui ne ressemble pas aux voix des créatures, la preuve dans le Coran qu'Allah il a une voix que cette voix ne ressemble pas au kalam d'Allah, la parole d'Allah ne ressemble pas à la parole des créatures. C'est quoi la preuve? Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Nul ne ressemble à lui et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ça concernant la parole d'Allah. Maintenant concernant le Coran, le Coran, le dogme de Al-Sunnah al-Jama'a concernant le Coran, c'est Al-Coran kalam Allah munazzal غير مخلوق منه بدا واليه يعود. C'est ça la définition, le dogme de Al-Sunnah al-Jama'a, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah descendue, non créée, venant d'Allah et retournant à Allah subhanahu wa ta'ala. Parole d'Allah, la preuve dans le Coran, dans la sourate 9 verset 6, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله et كلام الله c'est quoi? C'est le Coran descendu, c'est clair, hein? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Ces jours sont le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Non créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la création et l'ordre n'appartiennent qu'à lui. D'accord? La création et l'ordre n'appartiennent qu'à lui. Et donc il a fait la différence entre la création et l'ordre. D'accord? La création c'est une chose, ce qu'il a créé c'est une chose, et son ordre c'est autre chose. Et c'est ainsi, et dans un autre verset il dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Et là les exégètes ils ont dit, esprit, ça veut dire le Coran. De toute façon, on a parlé dans le cours précédent sur ce point. Hein? Allah, il a séparé entre le Coran et la création. Et je vais encore renforcer avec des preuves que c'est vraiment la parole d'Allah. Venons d'Allah, c'est clair. « Wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalama Allah » Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc c'est venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith de Hudaybah, que quand le jour du jugement, quand le jour dernier s'approche, les versets d'Allah ils vont monter vers lui, parce qu'il n'y a plus personne qui va dire la ilaha illallah, plus personne qui va lire le Coran, ils vont le jeter derrière leur dos, et Allah il sait qu'il n'y aura plus personne, que sherar al-khalq, des gens qui ne valent rien du tout. Donc le Coran, donc ces gens-là, ils ne méritent pas que ce Coran-là soit à côté d'eux, soit entre leurs mains. Il ne faut pas qu'il soit entre les mains des gens qui n'appliquent pas ces lois ou qui ne le lisent pas. Donc il est élevé, il est au-dessus de ce qu'on le met dans des archives, il est au-dessus de ce qu'on le met dans des bibliothèques et qu'on n'applique pas ces lois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever les versets vers lui. D'accord? J'ai marqué ici page 64 aussi. Donc Ibn Taymiyyah dit que ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est au sens propre haqiqa, la parole d'Allah et non la parole d'un autre. Il n'est pas permis de dire que le Coran est la transmission hikaya ou la traduction ibara de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, la transmission, ça c'est les ambiguïtés des sectes comme les Ash'ari et les Kullabis qui nient que ces mots-là, que les lettres-là, qu'Allah il a parlé avec des lettres. Hein? Ils nient ça. Je vais vous sortir ce qu'on enseigne ici à Paris sur ce dogme. Donc ça concernant le Coran, qui est bien sûr non créé et qu'il vient d'Allah et qu'il retournera à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a été descendu. Donc finissage, je crois que je vais passer après. Donc, comme il a dit Ibn Taymiyyah, il ne faut pas dire que c'est une transmission, c'est pas une parole de Jibril, bien qu'Allah il a dit qu'Allah a attribué à Jibril et il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète. Les versets, je les ai évoqués avant, ça. Et donc, concernant Jibril, je ne sais pas qui m'a dit... Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, et le Coran est la parole d'un noble messager, Jibril, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Hein? Le qawl rasoul karim, ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين c'est-à-dire عند ذي العرش c'est-à-dire là Allah subhanahu wa ta'ala il a attribué à Jibril et dans un autre verset dit c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité et il l'a attribué aussi au Saint-Esprit. Bien sûr, Saint-Esprit c'est qui? Jibril. Ah d'accord, les chrétiens ils se vantent, ils disent que Jibril que le Saint-Esprit que Allah subhanahu wa ta'ala il a privilégié Isa alayhi salam avec Jibril, c'est-à-dire il n'a pas privilégié. Donc, quand il parle de Isa, il parle du Saint-Esprit. C'est évoqué dans le Coran, dans plusieurs versets. Il l'a soutenu avec le Saint-Esprit. Mais nous, comme on l'a trouvé dans la Sunna, que c'est le Saint-Esprit Jibril, il n'a pas soutenu que Isa. Il a soutenu aussi des gens qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel Hassan ibn Thabit, le poète, qui était poète, alors un jour qu'il y avait des gens qui disent des choses mauvaises sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, et puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Hassan ibn Thabit radiallahu anhu, il a dit réponds à ma place, réponds avec des poèmes, réponds, c'est-à-dire rends la balle, eux ils me touchent avec leurs paroles, toi tu rends, réponds, et le Saint-Esprit est avec toi. Wa ma'aka ruh al-Qudus. C'est évoqué dans la Sunna. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas spécialement pour Isa alayhi salam, ça peut soutenir n'importe quelle personne. Et il l'a soutenu Hassan ibn Thabit. Et il est, bien sûr, c'est l'ange qui s'occupe, bien sûr, de la révélation chez tous les prophètes. Mais l'essentiel, c'est que la parole, elle est attribuée à celui qui l'habite le premier. Nous, on lit le Coran. Mais la parole, elle est attribuée à celui qui l'a dit le premier, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre preuve, par exemple, bien sûr, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est évoqué dans surat al-Haqqa, et que le Coran est la parole d'un noble messager. وَمَا هُوَ بِشَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين. لا قبل قبل الذراع سبعون الذراع. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. Ceci, le Coran, c'est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire le prophète Rasul. Mais il l'a attribué à Jibril, il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam à titre d'honneur. Mais à l'origine, c'est qui? C'est l'attribut de qui? C'est l'attribut d'Allah. C'est le premier qui a parlé. C'est sa parole à lui. Mais il l'a attribué au prophète et il l'a attribué à Jibril à titre d'honneur, quoi, pour honorer, pour privilégier Jibril, Aminu Sama, Jibril, Rasul Sama, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul l'Arb. Une autre preuve dans la Sunna, et ça c'est clair, vous le lisez même, vous l'avez dans Hasan al-Muslim, dans l'Abkar, c'est quoi que vous dites le matin? A'ouzu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ah, je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et on se met contre quoi? On se met sous la protection de qui? D'Allah, ou ses noms, ses attributs. Si tu mets sous la protection d'une créature, c'est quoi? C'est shirk. Si la parole d'Allah, il est créé, et tu vas dire, A'udhu bi kalimatillahi tammat, et cette parole kalima makhluq, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mushrik. Donc ce hadith, si tu le dis pour quelqu'un qui croit que le Coran est créé, si tu dis cette parole, ce hadith rapporté par l'imam muslim, authentique, ça veut dire que tu es mushrik. Vous voyez les conséquences des mauvais dogmes qui disent que ça te pousse à quoi? À démentir des hadiths. Ça te pousse à quoi? À ne pas donner de la valeur à ce Coran, ce n'est qu'une créature. C'est un arbre, c'est une pierre que tu jettes. Donc si le piétine, c'est pas de la mécréance, alors que les ulama sont unanimes que tu piétines le Coran, tu le jettes, c'est le corps, mécréance. L'acte lui-même, il excommunie celui qui le fait. Hein? Bien sûr, s'il le fait involontairement, ça c'est autre chose. Il n'a pas vu ou quoi que ce soit. Mais qu'il le fait volontairement et tout, kafir. Hein? Mais quand tu crois qu'il est créé, quand tu crois qu'il est créé, il est facile que tu l'écris et tu le mets comme talisman dans ton cou, sur ton cou, et tu rentres avec aux toilettes. C'est normal. Quand tu crois qu'il est créé, quand tu crois que les paroles, les mots, les lettres, c'est pas les lettres qu'Allah, ces lettres-là, Allah ne les a pas dites, quand tu n'as pas cette conviction, c'est simple pour toi que tu rentres avec aux toilettes. C'est simple pour toi que tu fais de la sorcellerie avec. C'est simple, c'est-à-dire ça n'a plus de valeur. Regarde ce qu'on enseigne. Là, ce qu'ils enseignent ailleurs. La ilaha illallah. Ils parlent, regarde ce qu'ils disent. Et ils parlent d'une parole qui est un attribut à lui et qui est de toute éternité. Ça, ce qui est derrière ce terme-là, des choses dangereuses, mais c'est pas pour l'instant que vous pouvez comprendre ça. Mais on le donne ça à des gens qui viennent se convertir à l'islam. Hein. On leur apprend ça. Parole de toute éternité. Ça traîne derrière cette parole, ça traîne derrière elle tout un sac de philosophie, de pensées philosophiques d'Aristote ou de tous les penseurs et les philosophes grecs. Qui n'est pas du genre de lettres et de sang. Regarde ce qu'on apprend aux gens. Et il parle d'une parole qui est un attribut à lui, qui est de toute éternité, qui n'est pas du genre des lettres et des sang. On a sorti le hadith de Bukhari, qu'Allah il parle d'une voix. Donc c'est des voix et des lettres. Que ces lettres-là qui sont dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais ça, pourquoi les lettres et le sang et tout? On fait revivre les sectes anciennes, hein, les sectes qu'ont combattu Imam Ahmed ibn Hanbal et les grands savants qui les ont suivis, hein, on fait revivre ça parce que ça cache derrière elle ce que ça cache, d'accord? Quand ces lettres-là, tu ne crois pas que c'est qu'Allah il a dit ces lettres, Allah il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu ne sais pas que ça a de la valeur pour toi, mais quand tu crois que c'est la parole d'Allah, tu peux donner ton sang sur eux pour ces paroles. Comme Othman ibn Affan, il a donné son sang, il a coulé sur le Coran. Hein? Quand tu crois que c'est vraiment la parole d'Allah, c'est qu'il doit s'appliquer sur terre. On ne joue pas. C'est qu'il doit s'appliquer sur cette terre. On peut faire le djihad avec, on peut combattre pour qu'il s'applique sur cette terre. Mais quand tu ne crois pas que ces lettres-là, Allah lui les a pas lites, je crois que tu peux mettre n'importe quelle philosophie au-dessus. Hein? Communisme, ou socialisme, ou n'importe quoi. Facile. Et ça se réduit à un livre qu'on met dans une bibliothèque. Regarde ce qu'on enseigne aux gens. Regarde ce qu'on enseigne. Si je vous dis ce qu'il y a dedans, vous allez... C'est pourtant il y a des gens, il peut frapper pour ça. Si le contredis sur ça, si t'es pas entouré avec des gens, tu reçois des coups plein la figure, tu tombes par terre avec des coups de pied et tout. Ils combattent pour ce dogme. L'un des salafis dit, je m'étonne que des innovateurs, ils s'accrochent à leur innovation. Et les salafs, ceux qui sont les gens de la vérité, ils la délaissent, ils dorment, ils disent d'eux ce qu'ils disent d'eux, et son cœur ne réagit pas. Ça c'est la parole, ça c'est une preuve que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on se met en protection avec les attributs d'Allah, sous les attributs, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on l'invoque وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. On l'invoque avec ces noms là, on fait l'isti'ada, on dit أَعُوذُ بِاللَّهِ, on dit أَعُوذُ بِسُلْطَانِ اللَّهِ, أَعُوذُ بِمُلْكِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, أَعُوذُ un attribut, un nom. Alors là on dit أَعُوذُ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, bi les paroles d'Allah, parce que c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je crois que j'ai tout fait là-dessus, j'ai insisté pour que ça... Donc c'est la parole, c'est celui qui l'a parlé le premier, et... Mais ceux qui le disent comme au Coran, il y a... Non, ça c'est... Hein? On peut pas dire que c'est... Il y a un innovateur, il s'appelle Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham. Il prétend qu'Allah n'a pas parlé à Moussa, et il n'a pas pris Ibrahim comme Khalil. Et l'émir, je crois, Ahmed al-Qasri, je ne me rappelle pas du nom, il l'a accroché contre le manbar. Et c'était la fête de l'Aïd, où il égorge le mouton. Il a fait son khutba. De toute façon, il lui a dit de faire tawba, il n'a pas voulu. Regarde les innovateurs. Il peut s'accrocher pour son faux dogme. Il n'a pas voulu. Plusieurs fois, il n'a pas voulu se repentir. Il l'a ligoté contre le manbar. Il a dit, Ayyuha an-nas, taqabbal Allah wa dahayakum, qu'Allah accepte vos sacrifices, mais moi je me rapproche d'Allah en égorgeant celui-là. Et il l'a égorgé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se tourner contre ça. Son dogme, hein, son innovation. Hein? Il dit qu'Allah n'a pas parlé à Moussa. Il n'a pas pris Ibrahim comme il a annulé quoi, un verset directement. C'est de la mécréance. C'est le secte des Jahmites qui nie qu'Allah il a parlé et tout. C'est ce qui a fait souffrir l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a souffert à cause de ça. Et donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, quand les gens récitent le Coran ou quand ils le mettent par écrit sur des feuilles, masahib, le Coran reste toujours au sens propre haqiqa, la parole d'Allah. Une parole, en effet, ne peut être attribuée qu'à celui qui le premier la prononce et non point à celui qui la transmet ou la colporte. C'est clair cette parole? C'est clair? Ibn Taymiyyah dit, quand les gens récitent le Coran ou quand ils le mettent par écrit sur des feuilles, masahif, le Coran reste toujours au sens propre la parole d'Allah. Une parole, en effet, ne peut être attribuée qu'à celui qui le premier la prononce. Et non point à celui qui la transmet ou la colporte. C'est clair? C'est clair. Quand on dit un hadith du prophète Hassan, par exemple, ce n'est pas notre parole. Mais nous, on l'a dit, on peut s'attribuer cette parole. Mais normalement, il est à l'origine, il est attribué à celui qui l'a dit le premier. Donc, mais nous, on lit le Coran, le prophète, il lit le Coran, le prophète, il l'a transmis, Jibril, il l'a transmis, mais on l'attribue à celui qui l'a prononcé le premier. D'accord ? Clair. C'est clair. Et bien sûr, même après, quand l'imam Ahmed Mohamed, il a souffert, des innovateurs, ils ont sorti une autre innovation, c'est qu'ils disent que Jibril, il a parlé à la place d'Allah et que la parole, c'est quelque chose d'intérieur et non pas quelque chose d'extérieur. Beaucoup d'ambiguïté, des livres qui ont été écrits dessus. Mais le problème, c'est que ces livres-là, on les enseigne à des gens, on les enseigne à des gens dans des feuilles comme ça. Ça, c'est l'Aqid al-Nasfiya, des maturidites de la secte des Ash'ari, pour égarer les gens. C'est où, à Paris? Ils vont te dire après, quand je finirai. C'est commencé par le ministre des Affaires religieuses. Faites affirmation. Le deuxième, maintenant je rentre dans un autre attribut d'Allah. C'est l'affirmation qu'on va voir Allah le Très-Haut. Ru'yat, ithbat ru'yat Allah subhanahu wa ta'ala. Que les croyants, ils vont voir Allah. Et beaucoup de sectes, ils ont nié, bien sûr, ça, tels les Mu'tazilites aussi, ils ont nié qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit l'épreuve. Le premier verset, Allah a dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Dans la sourate 75, verset 22-23, Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhun yawma idhin nadhira. Nadera avec le da, juste le da, comme ça avec le point dessus. Nadera, ça veut dire resplendissante. Nadara, al-husn. Al-nadara. Fawakahum Allah sharra dhalik al-yom, wa laqahum nadratan wa surura. Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset dit, Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Ça vient de nadara, splendeur, beauté du visage. Nadar Allah ou Sami Amina Makalatan. Allah il peut resplendir quelqu'un qui a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a transmis comme elle est. Ah, d'accord? Dans un hadith, Nadar Allah ou Sami Amina Makalatan Tahafiza wa Aha wa Bellara. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit soit-il resplendissant celui qui a entendu une autre parole et il l'a appris et il l'a transmis comme elle est. Hein? Il a transmis le hadith, tablir, ballar le hadith comme il est. Le prophète dit qu'Allah va lui donner une splendeur. Il sera resplendissant. Et les ulama ils disent que dans le hadith Nadara, que vraiment il va être beau, même dans le visage. Et donc les ulama du hadith, en général, ils sont beaux, leur visage il est beau. C'est-à-dire vraiment dans cette vie ici-bas. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent pour apporter les hadiths authentiques et tout. Et le hadith là, il s'applique sur eux. Plus lui, il fait l'effort, parce que Allah, il ne dit pas quelque chose comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Parole vérité. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La parole est véridique. Quand Allah il a dit, Nadara, c'est vrai. Et ils disent que les ulama du hadith, ils sont très beaux, comme Imam Bukhari, ou Muslim, ou Nawawi, والترمذي وابن ماجه والدار قطني ils sont beaux mais leur visage il est beau il est resplendissant. Il y en a, il y a jusqu'à maintenant, oui, bien sûr, Cheikh Al-Albani. Ah oui. Et donc nadara c'est le husn wal jamal, resplendissant. Ce jour-là il y aura des visages resplendissants. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, qui regarderont leur Seigneur. Ils regarderont leur Seigneur. Il a rappelé à Nazara. Là, c'est Zad et non pas Dad. Quand je dis Nazartu, il est chez, ça veut dire je l'ai regardé. D'accord? Je l'ai regardé. Quand il y a le verbe Nazara et il est suivi avec Ila, ça devient regarder. Comme par exemple Istawa. Et quand après Istawa Ya'ala, ça veut dire c'est élevé ou c'est établi. D'accord? Mais quand il y a Nazara, et devant Nazara, il y a Ila, la préposition Ila, ça vient regarder. D'accord? إلى ربها ناظرة. Ils vont regarder leur Seigneur. Donc ça c'est une preuve dans le Coran. Le deuxième verset, Allah a dit, sur les divans ils regardent. Les bons seront dans un jardin de délices, sur les divans ils regardent. Hein? Dans Surat al-Mutaffifin. Hein? Dans Surat Fiwujou ibn Adrat al-Na'im. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليين كتاب مرقوم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون ملا سبا يغيا ينظرون ينظرون صديق الغجار مي le verset montre pas qu'il regarde Allah mais les exégètes ont dit que ce regard là c'est ce qu'ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que quand Allah il a dit yanzurun, il n'y a pas de meilleur regard que de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce qu'il a dit juste après, ta'arifu fi wujuhihim nadrat al-na'im, ta'arifu fi wujuhihim nadrat al-na'im, c'est-à-dire qu'ils vont être resplendissants et qu'ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que ce verset-là, on peut le mettre en corrélation avec le verset qu'on a évoqué, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَادِرَةٌ. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَادِرَةٌ. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et le verset dans Surat al-Mutaffifin, تَعْرِفُ فِي وَجُوهِمْ نَادِرَةٌ النَّعِيمُ. Tu reconnais sur leur visage l'éclat, la splendeur. Du jardin et la splendeur du paradis et le bonheur. تعرف في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون sur les divans. Ils regardent et tu connais sur leur visage la splendeur. Et puis, splendeur dans ce verset et splendeur dans l'autre verset, on fait corréler les deux versets, c'est qu'ils vont regarder Allah subhanahu. Le troisième verset, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et davantage. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Dans Surat Yunus, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense. Quelle est la meilleure récompense? C'est Allah. D'accord. Non, dans ce verset, la meilleure récompense c'est le paradis. De toute façon, le paradis en général. Et il a ajouté et davantage. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ. Al-Husna c'est le paradis. Wa ziyada. Et c'est quoi ziyada? Ziyada, un ajout, un plus, un avantage, davantage plus. Et donc Al-Husna, Al-Jannah. Al-Husna, Al-Jannah, comme il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, le prophète il a expliqué ça, il a dit Al-Husna, Al-Jannah. Wa ziyada, le prophète l'a expliqué d'après un hadith de Suhaïd, radiyallahu anhu. Le hadith, il est dans Sahih Muslim, sous le numéro 181. Suhaïd, radiyallahu anhu, selon Suhaïd, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, illadina ahtanu al-husna, le paradis. Wa ziyada, de voir Allah. Donc, le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Donc, wa ziyada, c'est regarder Allah comme il nous a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le quatrième verset, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dans Surat Qaf, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, il y aura là, c'est-à-dire le paradis, tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Et là, les exégètes, ils ont dit, davantage encore, ça veut dire regarder Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme Ibn Kathir, comme beaucoup d'autres. Et il y a un autre verset, regardez ça. Il y a un autre verset, c'est un cinquième, en plus des versets évoqués par Ibn Taymiyyah. Il y a un cinquième verset, c'est le verset même dans Surat Mutaffifin. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjuboun. Il a parlé du kuffar. Inna kitab al-fujjar la fi sijjin. Hein? Inna kitab al-fujjar. La fille Sidjim, Oma Adraka Masidjim. Donc, les mécréants, les injustes, ils vont être, qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile sera entre eux et leur Seigneur. Il y aura un voile, ils seront privés de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront privés, ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont des mécréants. Ils étaient détournés des versets d'Allah. Ils n'ont pas appliqué ses lois. Donc le jour du jugement, Allah se détournera d'eux, ils ne vont pas le voir. Le verset 143, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit, « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta du mont, il le pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé lorsque Moussa se fut remis. Il dit, « Gloire à toi, à toi je me repens. » Le fait de voir Allah est incroyable. Allah a dit dans Surat 7, et lorsque Moussa vint à un autre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit, « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Moussa, il veut voir Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ?« Tu ne me verras pas, mais regarde le mont, la montagne, le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. Ça veut dire quoi? Que Moussa il ne va pas le voir. Donc les sept égarés, ils vont dire qu'on ne peut pas voir Allah. Regarde, Moussa il n'a pas pu le voir. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. موسى il a demandé de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il a imploré Allah pour le voir. أرني أنظر إليك. قال لن ترى. Et Allah il a dit à Moussa, tu ne me verras pas. Ça veut dire que tu ne vas pas voir. لن ترى. وانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Ça veut dire qu'il n'a pas pu le voir, mais il n'a pas pu le voir où? D'accord. Nous, on va répondre. Enfin, les ulama, on répond à eux, c'est le fait déjà. C'est que Moussa n'a pas demandé à Allah de le voir le jour du jugement. Parce qu'Allah, il dit, le jour du jugement, les croyants vont le voir. Mais il a imploré, il a espéré le voir le moment même. C'est-à-dire, il a voulu le voir une vie immédiate. C'est-à-dire, ici-bas. En disant, montre-toi à moi que je te vois. Arini, anzor ilek. C'est-à-dire, maintenant. Allah a dit, tu ne me verras pas. C'est-à-dire, tu ne me verras pas maintenant. C'est pas dans le delà. Allah n'a pas dit ni maintenant ni dans le delà. Allah il a dit, tu ne me verras pas. L'antaran, l'antaran. Et pour lui prouver qu'il ne peut pas le voir, il lui a donné l'exemple de la montagne. Et quand il s'est manifesté, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est manifesté, l'amma tajalla rabbu ila jabal, et quand il s'est manifesté à la montagne, il pulvérisa le mont. Il a dit, mais regarde le mont s'il tient en sa place. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regarde le mont s'il tient en sa place, alors tu me verras. Et quand Moussa a vu ce qui est arrivé à la montagne, il a su que c'est un signe d'Allah. Quand il n'a pas tenu, il n'a pas pu avoir la force. C'est-à-dire, il est tombé, c'est-à-dire il s'est évanoui parce qu'il n'avait pas la force de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le jour dernier, on va le voir parce que nous serons dans l'autre monde, dans des états différents que ceux d'ici-bas, et ceci est connu par le Coran et la Sunna, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ici-bas, on n'a pas la force de voir Allah. Moussa, avec la force qu'il a, il n'a pas pu le voir, ici-bas. Mais alors, le jour du jugement, le jour dernier, on aura la force de le voir. La preuve, c'est Allah, quand il dit, donc, fait Arasat al-Qiyam, le jour du jugement, que le soleil, il sera proche de nous. Il sera très proche de la tête des gens. Miqdar al-Mil, hein? 1 kilomètre, 600, ils disent 1000 aussi, 1000 de Mekhal, c'est-à-dire juste comme ça. Le soleil se rapproche, c'est-à-dire ils auront la force de supporter ce soleil. Ou ils jimou moul araq, c'est-à-dire ils seront étouffés par la sueur. C'est-à-dire les gens ils vont avoir beaucoup de sueur jusqu'à. Il y en a où le sueur il arrive là, il y en a il arrive là, il y en a jusqu'au cou, il y en a au-dessus. C'est-à-dire ils seront pleins de sueur. C'est-à-dire ils auront une autre. C'est d'autres normes. c'est pas le monde, c'est pas ce monde-là où on respire l'oxygène, où on dépend de l'attraction terrestre, c'est l'autre monde, c'est d'autres normes, d'accord? C'est d'autres normes. Tu te rends compte, les gens, ils vont attendre, ne serait-ce qu'ils vont rester éternellement, ça y est, il n'y a plus la mort. Donc, c'est d'autres normes qui s'appliquent là-haut, dans l'au-delà. Donc, l'impossible, ça c'est une preuve. Déjà que Moussa, il n'a pas demandé le jour du jugement, il a demandé ça, une vue immédiate, parce qu'il aimait tellement Allah, il avait la foi en lui, qu'il a voulu pousser loin jusqu'à, aller jusqu'à essayer de le voir. D'accord? Allah lui a dit, tu ne me verras pas, mais c'est maintenant. Mais dans l'au-delà, c'est d'autres normes. Ça, c'est dans l'au-delà où les versets s'appliquent. Allah dit, le jour du jugement, les gens ils vont me voir. Les croyants vont me voir. Mais là, ici-bas, non. Ici-bas, non. Ça, c'est une preuve. Une autre preuve, l'impossibilité de voir Allah le jour dernier chez les négationnistes est basée sur le fait que son affirmation, c'est une imperfection s'agissant d'Allah, comme ils le prétendent. C'est-à-dire le fait de voir Allah pour eux, c'est une imperfection. C'est-à-dire le croyant, le faible, il va voir Allah, ça veut dire que c'est une imperfection s'agissant d'Allah. Si vous, les salafs, vous dites que vous allez voir Allah, ça veut dire que Allah c'est comme un objet, c'est comme n'importe quoi. Mais non, là, de toute façon, je vais rapporter les versets qui... sur lesquels ils se basent. Il y a le hadith de la lune. Oui, ça c'est un hadith, oui. Mais de ce fait, Moussa, quand il a demandé, regarde, où est-ce qu'ils vont retomber? Ils disent, le fait que tu vois Allah, ça veut dire que c'est une imperfection. Donc, de ce fait, il a accusé qui? Moussa. D'accord. De ce fait, Moussa, quand il a demandé à Allah de le voir, il était ignorant de ce qu'il est possible pour Allah et ce qui est impossible. C'est-à-dire que les innovateurs sont plus forts. Ils disent, non, Allah, on ne va pas le voir, là, on ne peut pas le voir. Parce que le fait de le voir, c'est une imperfection. Là, c'est de ressembler à une créature, de dire c'est un corps, c'est... On peut voir un objet, un arbre, une montagne, voir Allah. Non, on est faible pour voir Allah. Ça, c'est une imperfection si on le voit. De ce cas, qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont accusé qui? Ils ont accusé Moussa d'ignorance. Parce que Moussa, il a dit, montre-toi que je te vois. Montre-toi au mon Seigneur pour que je te vois. Ça veut dire qu'il est ignorant, il ne savait pas... Il ne fait pas la distinction ce qui est possible à Allah, ce qui est impossible à Allah. Il ne savait pas que c'est une imperfection le fait de demander de voir Allah. Vous avez touché le sens. Ça veut dire que l'innovateur qui vient des siècles après le prophète, il est au-dessus, il est capable, il a l'intelligence, il a lu les livres d'Aristote, hein, il est fort. Il est mieux que Moussa. Moussa, il a dit, « Allah subhanahu wa ta'ala, wastana'tuka li nafsi, walitusna'a ala aini, wa kana inda Allahi wajiha. » Il a eu les grades et les grades, Moussa alayhi salam, parmi les cinq de Ulul Azm, les cinq premiers de l'humanité, depuis qu'Allah il a créé Adam jusqu'au jour dernier, le prophète sallallahu alayhi salam, Moussa, Isa, Ibrahim, wa Noah, les plus connaisseurs de leur créateur, c'est ces cinq-là. Alaykoum salam. Les plus connaisseurs, c'est ces cinq-là. Ben il y a un, il vient, je ne sais pas combien de siècles après le prophète, il a lu les livres d'Aristote, ben tiens, Moussa n'aurait pas dû dire ça. Ah, il a tort de dire ça. Il est ignorant, il ne connaît pas son créateur quand il dit « Arini anzor ilay ». Mais Moussa, quand il a dit « Arini anzor ilay », montre-toi, ô mon Seigneur, pour que je te voie. Il est plus connaisseur, ça veut dire qu'il est possible de le voir. D'accord? Si c'était impossible de le voir, c'est le premier qui le saurait, parce que c'est lui qui est plus connaisseur d'Allah. Vous avez compris? Ouais. L'épreuve, ça touche un peu la logique et tout. Donc c'est comme on a accusé Moussa d'ignorance, donc les négationnistes sont plus savants que Moussa alayhi salam, et ceci, c'est l'égarement manifeste. Donc, deuxième preuve des négationnistes. La deuxième preuve, Allah a dit, les regards ne peuvent le cerner, je vais mettre entre parenthèses, de connaissance. Cependant, il saisit tous les regards. La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikuhu al-absar. un point déjà, entre parenthèses. Le verset que j'ai dit, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. C'est une preuve pour nous ou contre nous? Pour nous. Parce que Moussa, il connaît son créateur et sait qu'il va le voir, il le sait, mais Allah lui a montré qu'il n'a pas de force pour le voir ici-bas. Je suis dans la deuxième preuve des négationnistes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit La tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar. Les regards du peuple délimité, cependant, il saisit tous les regards. La réponse, dans le verset lui-même, il y a négation de quoi? La tudriku. Allah, il n'a pas dit La tanzur ilay, ou la nubasiru. La tudriku, c'est quoi l'idrat? L'idrat, c'est cerner quelque chose de connaissance. De connaissance. C'est le décortiquer avec l'œil, si tu veux. Allah, il a dit, vous ne pouvez pas, on ne peut pas. On ne peut pas. La sudriku al-absar, c'est-à-dire, les regards ne peuvent pas le limiter, ne peuvent pas le cerner de connaissance, ne peuvent pas aller jusqu'à le délimiter, aller jusqu'à le décortiquer, aller jusqu'au fond des choses. Les regards ne peuvent pas l'atteindre. C'est-à-dire, la tudriku al-absar. Wa huwa yudriku al-absar, et Allah subhanahu wa ta'ala, yudriku al-absar, il la connaît, il la sert de connaissance. Donc si on affirme que Allah peut être vu, ceci n'implique pas que la vue va le délimiter. C'est clair? On voit la lune, mais on peut la délimiter, la cerner de vue. On peut connaître, on peut voir les cratères, on peut voir tout ce qui... Non, on la voit comme ça, mais on ne voit rien. On ne voit pas vraiment le fond des choses, on ne voit pas. Donc on voit Allah, mais on ne peut pas le délimiter. لَا نُدْرِكُهُ بِبَصَرٍ نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّا لَا نُدْرِكُهُ بِأَبْصَرٍ. Vous voyez ce qu'il y a derrière le verset? Et on dit le fait de ne pas délimiter prouve qu'à l'origine on va le voir. Ça c'est Stidlal de l'Usaymin, Hasibahullah. Il dit le fait de ne pas le délimiter. Quand Allah il dit... Vous ne pouvez pas me cerner avec vos regards. Vous ne pouvez pas me délimiter. Ça veut dire qu'auparavant, vous allez me voir. C'est ça le défi. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Hein? Je dis, écoute, cet objet, je vais te montrer comme ça, mais toi, tu vas le voir, mais tu peux... je te dis, par exemple, une écriture qui n'est pas lisible, ou je veux te tester si tu peux vraiment lire, alors que toi, tu es loin. Je vais te montrer la feuille. Je vais te dire, écoute, la feuille-là, tu ne peux pas la cerner, tu ne peux pas la connaître, tu ne peux pas regarder bien, dissimuler avec ton œil l'écriture qui est là. Mais d'abord, il faut que je te la montre, et que tu la vois, et que le défi se met. Tu vois, d'abord, je te montre. C'est pas, je la cache comme ça, je dis, tu ne peux pas la décrypter, tu ne peux pas la cerner de ton regard, tu ne peux pas la délimiter de ton regard. C'est d'abord, je te la montre pour que tu vois, et quand tu vois, tu es incapable de décrypter. Quand tu vois, tu es incapable de délimiter. Quand tu vois, tu es incapable de discerner les choses les plus profondes. Donc, là, d'accord. On le voit, mais on ne peut pas le cerner de connaissance. On ne peut pas... tu vois? Ça montre de toute perfection. Et il est de toute perfection qu'on le voit. Parce que le fait de ne pas le voir, c'est une imperfection. Et là, que là. Et d'autres preuves, ils disent ils disent les négationnistes, si on le voit, ça veut dire que c'est un corps, et c'est un corps qui a des limites, et ça c'est bien sûr, c'est leur ambiguïté. Mais nous, il y a des hadiths authentiques, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ أَوْ لَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ. Il y a plusieurs versions du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala comme on voit le comme ça me fait peur. كَمَا تَرَوْنَ le kaf. Rien que ce kaf, il y a beaucoup de détails là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas comme on voit la lune délimitée et tout, mais le fait, c'est-à-dire qu'on va le voir, c'est-à-dire on va pas se pousser, on va pas. Il y a des versions qui disent qu'on va pas. Tu vois quand les gens se réunissent pour voir quelque chose et puis ils se bousculent. Alors il dit non, vous allez pas vous bousculer. Là, tadamun. C'est-à-dire avec aise, avec aise. C'est-à-dire on ne se bousculera pas. Mais dans la version bilat ou dans le monde, c'est-à-dire on ne va pas être touché de taïm. Taïm, c'est-à-dire de gêne ou... Ça dépend de la version du hadith, comme il a expliqué, mais le shahid, comme on dit, ce qu'on peut déduire, c'est qu'on va voir Allah comme il est textuellement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je crois que c'est Bukhari, rahimahullah, qui rapporte ce hadith authentique, c'est-à-dire qu'on va voir, il n'a comme ça, c'est ça l'essentiel qu'on doit déduire. On va voir Allah comme vous voyez, la lune, ou la lune, c'est ça, Laylat al-Badr, c'est-à-dire complexe. Et comme vous voyez la lune le jour, le 15e jour, ça ne veut dire pas qu'on va le voir délimité. D'accord. Le comme, c'est pour ça le souligner et le faire entre guillemets. D'accord. Bon, ça, c'est l'épreuve qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et bon. De toute façon, on a terminé là-dessus. Et beaucoup de sectes, de toute façon, ils divergent aussi comment on va le voir et tout. Et on se demande, les négationnistes, comment ils vont le voir, parce qu'ils disent il n'y a pas de différence entre les néons et leurs dieux. Ils disent qu'Allah, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. On se demande comment ils vont le voir, ces gens-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont renié le fait de le voir, comme les Mu'tazilites, je crois le prophète, Cheikh de Cheikh Al-Utaymin, Ben Nasser Sa'di, rahimahullah, il dit, Allah a'lam si c'est lui ou c'est pas lui, de toute façon, un Cheikh dont il a parlé, l'Utaymin, rahimahullah, il dit que ce Cheikh-là, il invoque Allah pour qu'il ne voit pas. Il ne le voit pas, ces gens-là. Ces innovateurs qui ont nié de le voir, ils ont nié, ils disent on ne va pas le voir le jour du jugement. Il dit invoquer Allah pour qu'il met un voile. Hein? Et ça, c'est les dangers du dogme, ça, c'est les dangers du mauvais dogme, ça, c'est les dangers de la mauvaise compréhension des textes, ça, c'est les dangers de quand la personne, il a un hadith devant lui, il a la parole du prophète, et il met une parole d'un philosophe ou d'un penseur au-dessus de la parole du prophète. Ils ont rejeté les hadiths, subhanallah, les Mu'tazilites et les Khawarij, les Maturidites, ils ont rejeté des hadiths clairs et authentiques. Ils n'ont pas pris de Bukhari, ils n'ont pas pris de... Ils ont douté sur l'authenticité. Pourquoi? Parce qu'il y a un philosophe qui leur dit que ça, le fait de le voir, ça veut dire que c'est un corps, etc., etc. Et donc ces dangers, ça peut mener à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas avoir le bonheur de le voir. Quand ils l'ont nié ici-bas. De même que ceux qui l'ont nié qu'il est au-dessus du trône et qu'ils sont en train d'adorer du néant, ils vont, c'est un danger qui les attend. D'accord? Parce que le jour du jugement, chaque groupe va suivre son idole. Vous connaissez le long hadith, un long hadith où les gens ils vont attendre et que chaque groupe, leur Dieu va se manifester. Ceux qui adoraient la lune, ils vont suivre la lune. Ceux qui adoraient le soleil, ils vont suivre le soleil. Ceux qui adoraient les tawarites, ils vont suivre les tawarites. Et les musulmans, ils vont attendre leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Et, incha'Allah, c'est sûr que c'est le groupe sauvé qui a été sauvé des innovations, qui a eu le dogme pur, qui ont puisé de la source pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont connu leur créateur comme l'ont connu les compagnons, je ne crois pas qu'ils seraient privés de le voir le jour du jugement. Wa subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.